tout est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Michel Bilodeau et Marc Chonnet avec vous. Et on commence avec deux belles nouveautés. En tout premier lieu, Samurai of Prague, de leur nouvel album Anthem to the Phoenix Star, un projet de finalement en association avec Marco Griego, le multi-instrumentiste italien, qui travaille aussi sous le nom de Marco Marco. Il a d'ailleurs lancé un album en 2020 sous le titre de Nothing Personal. Et quelques invités pour ce disque, dont Yogi Lang, et c'est d'ailleurs cette pièce qu'on va entendre, la pièce Killing Hope avec Yogi Lang au chant. Il y a aussi comme invité Clive Nolan sur deux autres pièces. Et puis Raphaël Pacha et Kimo Porsti, le batteur de Samurai of Prague. Et Raphaël Pacha qui est aussi un complice de Samurai of Prague depuis quelques années. Et c'est un disque qu'ils ont enregistré en grande partie en duo, avec évidemment des invités, mais Raphaël Pacha joue quand même quelques instruments. Et c'est le titre « Views from the Inner World ». Et puis Marc, après, je pense qu'on se dirige du côté de l'Allemagne. Oui, en effet, on aura un second extrait du nouvel album de Sen Project, qui est le projet de Chris Engels. C'est l'album intitulé C4, donc quatrième album pour cette formation. Alors, on écoutera de ce nouvel album la pièce de Two Friends, et ce sera suivi d'un extrait du nouvel album de Leo Carnicella, l'album Super Sargasso aussi, qui paraîtra le 22 septembre prochain. Et on écoutera ici le premier extrait Balance, qui était paru à la fin juin. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec les deux nouveautés de The Samurai of Prague. I hear you calling. Calling for me, your voice in my head, your face in my dreams. Search for a meaning, but the cold light of day is killing my hopes each and every day. Wasting my time, there's nothing to gain. We both tried so hard, but nothing's the same. I stare down to the water, down by the sea. I asked once or twice, but you've never been here. Thank you.

KRL. Aux gens de Taschereau, merci d'avoir osé m'envoyer là-bas. Merci pour les vagues de soutien au milieu des tempêtes. Sans vous, j'aurais sans doute pas eu la force de résister pendant 4 ans à ce moule qui fait tant de mal à notre politique. Merci pour votre précieuse originalité. Merci de ne ressembler à aucune autre circonscription. Merci d'avoir mis l'épaule à la roue de toutes ces luttes qu'on a menées ensemble contre la haine dans les médias, contre les ajouts sans fin d'autoroutes, pour la sauvegarde des églises et du patrimoine en général, pour la loi sur le statut de l'artiste, pour un vrai financement intelligent du communautaire, contre les excès des grandes compagnies numériques sur notre territoire et j'en passe. Vous avez été de tous les rendez-vous, avec droiture et passion. Je suis très très fière de vous, de nous, et je n'oublierai jamais cette histoire d'amour. Je serai encore là au coin de la rue à apporter mon souffle à cette ville magnifique, à ce trésor communautaire caché que nous fabriquons ensemble à l'insu du reste du monde, au détour des parcs et des quartiers. À la revoyure, Catherine Dorion, députée de Taschereau à l'Assemblée nationale du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, on poursuit avec une nouveauté de Björn Riss, le guitariste Airbag, qui va présenter le 30 septembre prochain un nouveau EP de 4 pièces intitulé Fleeting Glimpse. Et on peut dire que ça a une saveur floydienne, et d'ailleurs il a invité la choriste Durga McBroom, choriste de Pink Floyd, à contribuer à une des pièces. Ce sera un deuxième EP pour Monsieur Riss, qui a déjà présenté en 2018 Coming Home. Et on aura aussi d'Italie Oscillazioni Alchemica Creative ou Oak pour la plupart, la créature de Jerry Cutillo. Et c'est un extrait de son nouvel album Lucid Dreaming and the Spectre of Nikola Tesla. Et puis on aura aussi de Norvège Adventure, qui présente la seconde partie de leur album concept Tales of Bell. C'est Tales of Bell Part 2, l'histoire d'une tueuse en série qui a immigré de Norvège à la fin des années 1800 pour s'installer aux États-Unis. Et puis Marc, je pense qu'après ça, ben, on fait un petit croche vers le Royaume-Uni. Oui, en effet, c'est Imaginarium, la nouveauté de Eric Brouillette et Clive Nolan. C'est un album double qui va paraître le 30 septembre. Alors ici, on aura le premier extrait, Fortune's Reverse, et ce sera suivi de la formation du Royaume-Uni, Orc, une formation de prog metal composée de l'ex-bassiste de Porcupine Tree, Colin Edwin, du compositeur-chanteur Lef, du batteur Pat Mastelotto, qui a joué King Crimson, et de Carmelo Pipitone. C'est leur 4e album en carrière. Et ça, ça va paraître le 21 octobre prochain sur Casco. Alors, on aura un premier extrait qui s'intitule As I Leave, et le titre de l'album, c'est Screamnasium. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec la nouveauté de Björn Riss. See the sunrise. And all that it reveals. Dark shadows are coming our way. They're coming here to stay. And see the sunrise. See the sunshine. Ooh. of the day. When everything is clear and bright, dark shadows are coming our way. Darkness spreads everywhere. And see the sunrise. Beneath the rain that keeps on pouring down, while my hands are tied and my feet are numb, dark shadows are calling out for me. Yeah. petals tell the secret of what has lived before the one, and just the shadow in your heart turning to the sun. Black is light, light, light. sit down and have a drink. What's your verdict on this woman, George? Tell us what you think. What made her kill her kids, George? What happened to these men? How could she be this cruel, George? Will this happen again? George, all those disappearing men, are there more bodies in these grounds, George? They're still missing more than 10. Did she do it on her own, George? The gossip says she was good as gold. Was she an evil woman, George? Aside the grapevine never told. Thank you. walking out, walking in the fighting light. Watch out, watch now. No doubts, leave after me. Did your dreams go? Là-haut, kombucha. Vous avez le goût de prendre une généreuse flûte de mousseux à tout moment de la journée? Là-haut, kombucha, vous êtes tout désigné. Là-haut, kombucha est une jeune entreprise passionnée de thé et de kombucha, médaillée d'argent dans la première compétition mondiale de kombucha. Une boisson riche en micronutriments et sans alcool, dont l'accent est mis sur de grands thés sélectionnés, des ingrédients de qualité et fermentés pendant 3 mois. Plusieurs saveurs à savourer entre amis, le rosé, le bleuet sauvage, le gingembre confit, le noir glacé et encore plus de variétés. Là-haut Kombucha, un breuvage au parfum exceptionnel, embouteillé dans la ville de Québec. Disponible chez Avril et dans IGA et épiceries, cafés et restaurants participants. Là-haut Kombucha.com. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation du Royaume-Uni d'Amanek, qui est en fait composé de Guy Manning, Marek Arnold, Sean Timms et Daniel Mash, mais il y a beaucoup de musiciens invités, dont Luke Makin, qui joue la guitare électrique sur la pièce qu'on va entendre, la pièce The Crossing. Ça, c'est sur l'album In Flight, qui était leur second album, ils en ont deux en carrière, paru en 2018. Et dans les deux premières pièces, ce sera deux pièces avec le même titre. Ce sera d'abord par la formation allemande RPVL, tirée de Beyond Man and Time, paru en 2012, leur cinquième album, la pièce de Fisherman. Et on débute, Michel, avec cette formation italienne qu'on aime bien et qui ont aussi une pièce qui a pour titre The Fisherman. Oui, The Watch, et c'est The Fisherman, mais version améliorée, ou peut-être, mais en tout cas, c'est ce que Simone Rossetti dirait sûrement. La pièce est parue à l'origine sur l'album Twilight, alors que le groupe s'appelait The Night Watch. Et ça, c'est paru en 1997. Et en 2021, pour le plus récent album de The Watch, The Art of Bleeding, une nouvelle version, ce que Simone Rossetti nous propose. Et c'est ce qu'on écoute à l'instant. And the days are sliding away. I can feel the gloom as I trail. I've been living in changeable time. But the time has changed myself. It is still in my memories. The color of all that has been. It is passing through my eyes. It is covering all my past. It's replacing faces with faces. Now the waves are coming faster. Everyone's an old man who dies, and the fisherman returns. Still the wave is in the ocean. I won't die since it comes. The color of sea's red or black. My wave don't go so fast. Touching places and the fisherman is dead. I've frozen time.

Êtes-vous prêt à vivre de nouvelles expériences? La programmation automne 2022 du Centre Monseigneur Marcoux est lancée. Pour les adultes, plusieurs belles nouveautés comme la capoeira Angola, la Zumba Gold et le tricot vous attendent. Les plus petits pourront aussi profiter de nouveautés comme des cours de hockey-ball et de soccer. Notre programmation, plus variée que jamais, compte sur le retour de plusieurs classiques, comme nos cours de yoga, d'entraînement musculaire, de tablettes informatiques et de guitare. Pour vous inscrire, visitez notre site Internet au www.centremgrmarcoux.com. Venez nous voir au 2025 rue Adjutant-River ou téléphonez-nous au 418-661-7766, poste 221. Faites vite, la saison débute le 19 septembre. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne Mad Fellas. Et ce sera tiré de leur second album Mad Fellas 2, paru en 2016. La formation a maintenant 4 albums à son actif, dont le plus récent, paru cette année, pour titre Road to Planet Circus. Mais donc, de ce second album, qui est mon préféré, on ira avec la pièce Hollow Shell. Il faut dire que c'est une formation qui s'est beaucoup transformée à travers les albums. Mais pour débuter, Michel, une formation américaine qui je trouve absolument excellente et qu'on aime beaucoup à Terra Incognita. Oui, une formation de New York qu'on a eu le grand plaisir de recevoir à plusieurs occasions dans le cadre du festival Terra Incognita. Il s'agit bien sûr de Is et on va écouter un extrait de l'album Darken Room et on va écouter la pièce Can't Feel the Earth Part 2. We'll be right back.

Ce soir, on vous laisse avec un extrait d'un album de Carfagen, la formation ukrainienne. Il s'agit de l'album Spectra et la pièce, eh bien, nul autre que Terra Incognita. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez pas loin, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Terra Kazakium, Terra Kazakium, Terra Kazakium, in vino veritas. Chacun peut, à un moment ou l'autre de sa vie, faire face à des difficultés financières. Avec l'équipe de Jean Lelièvre, syndic de faillite autorisée en insolvabilité, vous êtes assuré de trouver un allié sur la voie de la liberté. Michel Boutette vous accompagnera de façon personnalisée, respectueuse et confidentielle. Pour une consultation sans frais, composez le 418-653-5553. Chez Jean Lelièvre, syndic, nous sommes votre allié. JeanLelièvreSyndic.com. Le Palais Montcalm vous offre le blues à son meilleur avec un programme double de Sue Foley et Crystal Shawanda. Sue Foley, chanteuse et guitariste hors pair, présentera son album Pinky's Blues, considéré comme l'un des meilleurs albums blues de 2021.